إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، on se retrouve aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, pour commencer le cours numéro 14 sur la série des cours de l'explication de Juz Amma. Et nous sommes arrivés à la sourate Al-Buruj, les constellations. يقول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Il y a dans cette sourate Al-Buruj, les constellations, beaucoup de leçons à tirer et beaucoup de bénéfices. Il y a aussi un réconfort. Un réconfort pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les croyants, dans ce qu'ils ont été atteints par les préjudices des mécréants ainsi que les associateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre dans cette sourate Al-Buruj qu'il y a certes des communautés qui nous ont précédés parmi les croyants, parmi les messagers ainsi que les prophètes, qui ont été éprouvés et qui ont été châtiés par les mécréants ainsi que les associateurs. Et il y a une leçon à prendre auprès d'eux, car ils ont patienté et ils savaient que la fin appartenait aux pieux. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner les mécréants de Quraysh qui ont désobéi aux messagers, ainsi que Pharaon wa Thamud, et qu'est-ce qui leur est arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ » Allah subhanahu wa ta'ala ici, il jure par le ciel, aux constellations. Il jure par le ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Mais nous, les créatures, il est interdit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela fait partie de l'association mineure. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit dans beaucoup de hadiths. Comme celui qui jure par la tête de sa mère ou de son père ou de ses enfants, etc. Donc ici, on doit faire attention à ce genre de choses, car ils font partie des grands péchés, hein, ils font partie de l'association mineure qui est très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut enseigner à nos parents, enseigner à nos familles, à nos frères et sœurs, aux ignorants, etc., d'arrêter de faire ce genre de choses, car c'est répandu. Wallahu al-musta'an. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Et on avait déjà dit que Allah subhanahu wa ta'ala jurait par ses créatures pour montrer l'immensité de celle-ci. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il jure par le ciel dans ce qu'elle contient comme rappel et force. Par le ciel aux constellations. C'est-à-dire le ciel qui possède des constellations, des étoiles. Ces constellations sont un immense regroupement d'étoiles. Et elles ont été appelées Buruj parce qu'elles sont en hauteur très élevée, et aussi pour leur apparition et leur éclaircissement ainsi que leur beauté. La plupart des gens de science disent que le sens ici des constellations, ce sont les différentes positions du Soleil et de la Lune, qui sont au nombre de 12. Donc ces planètes, qui sont ordonnées dans leur orbite, de façon parfaite et coordonnée, qui prouvent la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala parfaite et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'étendue de sa science et de sa sagesse. Ce sont des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ Et par le jour promis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure ici. Par le jour promis. Quel est ce jour promis? C'est le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses créatures qu'il les réunira tous, les premiers et les derniers. Un jour qui ne peut être modifié. Et Allah ne manque pas à ses promesses. Ne manque jamais à ses promesses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate les Prophètes, verset 104, « Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. » C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. « Wa shahidin wa mashhud » Allah subhanahu wa ta'ala il jure ici par le témoin et ce dont on témoigne. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par tout témoin, car ils sont nombreux. Parmi eux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il sera témoin le jour du jugement sur nous. Allah dit dans Sourate les Femmes, verset 41, « Nous te ferons venir, ô Muhammad, nous te ferons venir comme témoin contre ces gens, contre ces gens-ci. » Et parmi les témoins, il y a cette communauté. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, la vache, verset 143. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens. Les membres du corps de l'être humain témoigneront contre lui dans ce qu'il a fait comme bien ou mal. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Sourate La Lumière, verset 24, « Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. » Les anges témoigneront aussi le jour du jugement. Et ce dont on témoigne, c'est le jour du jugement. Et ce qui va se manifester comme immense frayeur, ce jour terrible. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Hud, verset 103, Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés et c'est un jour solennel. Solennel, c'est-à-dire attesté par tous. Il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabu al-ukhdud. Que périssent les gens de l'ukhdud. Allah subhanahu wa ta'ala ici invoque contre eux, invoque contre les gens de Ukhdud, afin qu'ils soient anéantis. Hein? Il a été dit aussi qu'ils soient maudits. Et Al-Ukhdud, comme disent les savants du tafsir, ce sont des fossés, des grands trous qui sont creusés dans la terre. Et les gens de l'Ukhdud sont un peuple mécréant. Et parmi eux, il y avait un peuple croyant. Et les mécréants de ce peuple, car il y avait un roi qui était tyran, un roi qui tyrannisait, un roi mécréant, ainsi que son armée et son peuple. Et ces mécréants ont essayé de faire apostasier les croyants de leur religion. Mais ils n'ont pas réussi. Hein, ils ont alors creusé des trous, des fossés dans la terre et ont allumé un feu dans ces fossés. Puis se sont assis autour de ce feu et ils ont éprouvé les croyants. Ils les ont éprouvés en les présentant à ces fossés de feu. Celui parmi les croyants qui répondait et qui délaissait sa foi, était libre. Mais celui qui refusait et persistait dans sa foi, alors il le jetait dans le feu. Il le jetait dans les fossés de feu. Et ceci, comme nous dit Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ceci est l'extrême, le summum du combat contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre son parti parmi les croyants. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits et les a anéantis et les a menacés en disant que périssent les gens de l'Ukhdoud. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala explique Al-Ukhdoud. Et cette histoire, elle est venue dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Et le hadith est très long. On va le citer, inshallah ou ta'ala, car il est bénéfique et très important pour comprendre cette histoire. L'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous rapporte dans son tafsir de cette sourate. Il dit, l'imam Ahmed rapporte d'après Suhaib. Et on a vu qu'il était rapporté aussi par l'imam Muslim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Parmi vos prédécesseurs vécut un roi, au service duquel se trouvait un sorcier. » Et quand le sorcier vieillit, il dit au roi, « Je suis devenu vieux et mon terme est proche. Envoie-moi un garçon à qui je puisse enseigner la sorcellerie. » Le roi l'envoya donc un garçon qui l'initia à la sorcellerie. Or, sur le chemin, séparant le sorcier du roi, se trouvait un moine. Le garçon se rendit auprès de lui et écouta ses paroles, qui lui plurent, ainsi que sa manière de parler. Chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier, ce dernier le frappait en lui disant « Qu'est-ce qui t'a mis en retard ?» De même, lorsqu'il se rendait chez les siens, il le battait pour son retard. Il s'en plaignit donc au moine qui lui recommanda ceci. « Si tu crains que le sorcier te batte, dis que ta famille t'a retenu. Et si tu crains d'être malmené par ta famille, dis que c'est le sorcier qui t'a retenu. » Un jour, il vit sur son chemin une énorme bête qui empêchait les gens de passer. Il se dit, « Je serai qui du moine ou du sorcier est le plus aimé d'Allah ?» Il se saisit d'une pierre et dit, « Oh Allah, si l'enseignement du moine t'est préférable à celui du sorcier ?» Car ici on parle, c'était à l'époque avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, donc ce moine était sur l'islam. Il était sur l'islam pur, sur le tawhid. Il dit, « Oh Allah, si l'enseignement du moine t'est préférable à celui du sorcier, alors fais que cette bête meure, laissant la voie libre aux gens. » Il lança la pierre sur la bête, le tuant sur le coup, et les gens purent circuler librement. Lorsqu'il en informa le moine, celui-ci lui dit, « Oh mon fils, aujourd'hui, l'élève a dépassé le maître. Tu vas être mis à l'épreuve. Dans ce cas, ne donne aucune indication me concernant. Le jeune homme guérissait l'aveugle-né, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le lépreux, ainsi que toutes sortes de maladies. Cet homme n'était pas un messager ni un prophète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala de guérir cette personne, Allah il exaucait son invocation. Donc un homme un jour de l'entourage du roi, qui était devenu aveugle, entendit parler de lui et alla à sa rencontre avec une multitude de présents, de cadeaux. Il lui dit, « Si tu me guéris, tout ceci t'appartient. » Il dit, « Je ne guéris personne, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui guérit. Si donc tu crois en lui, je l'invoquerai pour qu'il te guérisse, » répondit l'adolescent. L'aveugle crut en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guérit après les invocations du jeune homme. « Oh, un tel !» Le roi demanda, « Oh, un tel, qui t'a rendu la vue ?» Car le roi, il a vu qu'avant, il était aveugle. Dès qu'il a vu qu'il n'était plus aveugle, il lui a demandé directement, « Qui t'a rendu la vue ?» demanda le roi. Lorsqu'il prit place auprès de lui, comme à l'accoutumée, il dit, « C'est mon seigneur, » répondit-il. « Il dit, « Moi ?» demanda le roi. « Non, » répondit-il, « Mon seigneur est le tien, Allah subhanahu wa ta'ala. » Il lui dit, « As-tu un seigneur en dehors de moi ?» s'exclama le roi. « Oui, Allah, mon Seigneur, est le tien, » répéta-t-il. Le roi ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il lui indique l'adolescent. Ce dernier fut présenté au roi qui l'interrogea. « Oh, mon enfant, ta sorcellerie a atteint un tel niveau que tu guéris les aveugles-nés, les lépreux et ces autres maladies. » Le garçon dit, « Je ne guéris personne. C'est Allah seul qui guérit. Moi ? Demanda le roi. Non, répondit-il. As-tu un seigneur en dehors de moi ? Dit le roi. Oui, Allah, mon seigneur, est le tien, répondit-il. Le roi le tortura à son tour jusqu'à ce qu'il lui indique le moine. Celui-ci fut présenté au roi, qui lui dit « Abandonne ta religion ». Devant son refus, le roi scia le corps du moine en deux et le tua, en partant du milieu du crâne. Wal'iyadu billah. Le courtisan du roi refusa également d'apostasier et son corps fut aussi coupé en deux. Puis vint le tour de l'adolescent, qui refusa lui aussi de renier sa foi. Le roi le livra à ses hommes et leur ordonna de l'emmener sur telle montagne. Il dit « Une fois parvenu au sommet, s'il refuse de renoncer à sa foi, précipitez-le dans le vide. » Arrivé au sommet de la montagne, le jeune homme dit « Oh Allah, sauve-moi d'eux de la manière que tu veux. » La montagne fut alors secouée, précipitant ainsi tous les hommes dans le vide. Les hommes du roi. L'adolescent quitta les lieux et chercha son chemin jusqu'à arriver chez le roi qui l'interrogea. Subhanallah, il a eu la capacité, il pouvait fuir à ce moment-là. Mais il avait la foi ferme et il savait que cela lui sera bénéfique par la suite. Non. Donc l'adolescent quitta les lieux et chercha son chemin jusqu'à arriver chez le roi qui l'interrogea. « Qu'est-il advenu de mes hommes ?» dit le roi. « Allah le Très-Haut m'en a délivré, » dit-il. Le roi le livra alors à un autre groupe avec ordre d'embarquer sur un bateau. Il dit « Une fois au large, s'il persiste dans sa foi, jetez-le par-dessus bord. » Arrivé au large, il dit « Oh Allah, sauve-moi d'eux de la manière que tu veux. » Tous les hommes furent alors noyés, sauf le garçon qui retourna auprès du roi. « Qu'est-il arrivé à mes hommes ?» demanda le roi. « Allah le Très-Haut m'en a délivré, » répondit l'adolescent. « Tu ne pourras jamais me tuer à moins de suivre mes instructions, » ajouta-t-il. « Que dois-je faire ?» dit le roi. « Rassemble ton peuple sur une même place, puis crucifie-moi sur le tronc d'un palmier. » Prends ensuite une flèche de mon carquois et dis « Au nom d'Allah, Seigneur de ce jeune homme, puis tire sur moi. Et si tu agis ainsi, tu me tueras. » Le roi suivit les instructions du jeune homme, lui plaça la flèche au milieu de l'arc et, au moment de décocher, dit « Au nom d'Allah, Seigneur de ce jeune homme. » La flèche alla se planter dans la tempe de l'adolescent qui porta sa main à l'endroit de l'impact, puis mourut. Les gens dirent alors « Nous croyons au Seigneur de ce garçon. » Car ils ont observé, ils ont assisté à cela. On dit alors au roi « Par Allah, ce que tu craignais est aujourd'hui arrivé, tous les gens ont la foi. » Le roi ordonna alors que des fossés soient creusés au bord des routes et que des brasiers y soient allumés. Puis il déclara « Celui qui ne renie pas sa religion sera précipité dans le feu. » Les gens se précipitaient dans le feu, les uns poussant les autres, pourrait entrer en premier, car il savait la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vint alors une femme qui allaitait son bébé. Elle sembla hésiter avant de sauter dans la fournaise. Le bébé lui dit alors « Ô mère, sois forte, car tu es sur le droit chemin. » Le bébé, il ne parlait pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il parle à ce moment-là à sa mère, pour lui dire « Ô mère, sois forte, car tu es sur le droit chemin. » Naam, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc voici là l'histoire de Al-Ukhdud. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Périssent les gens de l'Ukhdud par le feu plein de combustible. » An-nari dhatil waqud. Par le feu plein de combustible. C'est-à-dire des fossés de feu plein de combustible. C'est-à-dire ils mettaient des bois immenses pour enflammer et embraser. Idhum alayha qu'oud, cependant qu'ils étaient assis tout autour. C'est-à-dire le roi et les mécréants et son peuple, etc., son armée, étaient assis tout autour. Hein? Et ils observaient les croyants en train de se faire châtier, de brûler, en se moquant d'eux et en n'y prêtant aucune intention. Wala'iyadu billah. Wahum ala ma yaf'alouna bil mu'minina shuhud. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. Comme cité auparavant, Naam. Ils sont présents lorsque les croyants brûlaient dans ces fossés. C'est pour cela qu'ils ont mérité, ces mécréants, cette menace, ce châtiment. Et cette punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a certes anéantis et maudits. Et les a éloignés de sa miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il montre ensuite qu'est-ce qui les a portés à châtier les croyants. Il dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. À qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. Ceci est la pire et la plus immense des tyrannies et la dureté du cœur. Car ceux-là ont réuni entre la mécréance des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et combattre ces gens et les châtier par ce châtiment. Un châtiment qui fend les cœurs. Et leur présence, lorsqu'ils jetaient les gens dans le feu, la situation était qu'ils ne leur reprochaient qu'une qualité louable et qui expliquait leur joie. Cette chose qu'ils leur reprochaient était de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, le digne de louange, celui par laquelle il a le dessus sur toute chose, le digne de louange dans ses attributs les plus parfaits, ses paroles et ses actes qui sont parfaits. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala possède la royauté absolue. Créature et serviteur, tout ce qui est sur les cieux et sur la terre lui appartient. Il possède les cieux et ce qu'elle contient, et la terre et ce qu'elle contient, et il possède ce qu'il y a entre eux. Toute chose appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Seul, et il n'a pas d'associé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction approximative, à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. Allah subhanahu wa ta'ala possède la royauté parfaite et absolue. Et Allah est témoin de toutes choses, par sa science, son ouïe et sa vue, qui sont parfaits. Ces désobéissants rebelles n'ont-ils pas peur d'Allah? N'ont-ils pas peur que le puissant, l'omnipotent les détruise? Ne savent-ils pas qu'ils sont tous des esclaves? Des créatures faibles qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala? Et que personne n'a l'autorité ou le pouvoir sur personne d'autre sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il leur a échappé qu'Allah est parfaitement témoin de ce qu'ils font et qu'Allah les rétribuera selon leurs actes? Bien au contraire. Les mécréants sont dans la tromperie et le dupage. Et les injustes sont dans l'ignorance et dans l'aveuglement total du droit chemin. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, après, Inna alladhina fatanul mu'minina wal mu'minat, thumma lam yatubu falahum azabu jahannam, walahum azabul hariq. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait une promesse et une menace. Hein? Et leur a proposé, subhanallah, le repentir. Il dit, ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront un châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes. Ici, le mot fatanu, dans la langue arabe, le mot fitna, il signifie brûler. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat, qui éparpille versets 13 et 14, le jour où ils seront éprouvés au feu, c'est-à-dire brûlés au feu, goûtez à votre épreuve, voici ce que vous cherchiez à hâter. Naam. Donc ici, le sens de fitna, il a le sens de brûler. Naam. Comme il faisait, hein, comme on fait pour vérifier l'or et l'argent, si ce sont, yani ici, pour vérifier la pureté hein, de l'or et de l'argent quand on les met hein, dans le feu. Taïeb. Et l'autre sens de l'épreuve ici, c'est qu'ils ont été éprouvés dans leur religion, en les détournant de celle-ci. C'est-à-dire les croyants ont essayé de détourner les croyants de leur religion. Et ce qui est correct ici, c'est que le verset englobe les deux sens. Naam, ils ont été éprouvés dans leur religion, et ils ont été éprouvés aussi pour, hein, par le châtiment de ces mécréants, c'est-à-dire qu'ils les ont brûlés, hein, dans ces fossés de feu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, puis ne se repentent pas. Naam. Cheikh Saadi nous dit à travers ce verset, il nous rapporte une parole de l'imam, le savant Hassan al-Basri, qu'Allah leur fasse miséricorde, a dit. Il dit, Hassan al-Basri, regardez attentivement vers cette bonté et cette générosité. ils ont tué ses alliés et ceux qui lui obéissaient, et Allah subhanahu wa ta'ala les appelle à se repentir et à sa miséricorde. Fin de citation. C'est-à-dire, malgré leur grave péché, Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre la porte du repentir et qu'ils reviennent vers lui, de leur désobéissance vers son obéissance. Et il y a dans ce verset une mention qui est le repentir, qui est que le repentir efface, détruit ce qu'il y a avant. D'accord ? Parmi les péchés. Donc il efface les péchés d'avant. Mais ce repentir, comme disent les savants, ne sera sincère et accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec des conditions. Qu'avec des conditions. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous les cite. On va les citer rapidement. La première condition, il dit, c'est la sincérité pour Allah dans ce repentir. C'est-à-dire que il ne recherche à travers ce repentir ni l'ostentation, ni la notoriété, ni la peur d'une créature ou l'espoir d'obtenir une affaire de ce bas monde. Elle est utile uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seconde condition, c'est qu'il regrette ce péché. De telle sorte que son âme ressente remords et tristesse pour ce qui s'est passé. La troisième condition, c'est qu'elle cesse le péché et la persévérance dans celui-ci. Naam. Donc si le péché concernait par exemple le délaissement d'une obligation, alors elle l'accomplit à ce moment-là et rattrape si possible. Et si le péché consistait à commettre un acte illicite, alors à ce moment-là, il le délaisse et il s'en éloigne. Mais si le péché concernait les créatures, comme une injustice envers les créatures, alors qu'elle leur rende leurs droits ou qu'elle leur demande de l'acquitter. La quatrième condition, c'est la détermination, la résolution ferme à ne pas recommencer à l'avenir de telle sorte qu'elle ait en son cœur une ferme résolution à ne pas commettre de nouveau cette désobéissance de laquelle elle se repentit. La cinquième condition, c'est que le repentir ait lieu durant la période d'acceptation. Donc s'il a lieu après le temps imparti, il ne sera pas accepté. Le moment général revient au lever du soleil à l'ouest. Naam. C'est-à-dire après cela, le repentir ne sera donc plus accepté, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction approximative, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera en aucune âme qui n'avait pas cru auparavant et qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Naam. Voici les conditions du repentir. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit ici, puis ne se repentent pas, auront un châtiment de l'enfer et le supplice du feu. C'est-à-dire, s'ils ne se repentent pas, ils auront le châtiment de l'enfer qui est plus grave que le feu de Ukhdud, avec laquelle ils ont brûlé les croyants. Et sa chaleur est plus intense que le feu de cette vie d'ici-bas, avec laquelle vous avez châtié les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela car la rétribution est selon la nature de l'action. Comme ils ont châtié les croyants dans cette vie d'ici-bas avec le feu, alors celui qui ne se repent pas, il sera châtié dans l'au-delà avec un feu de l'enfer. Non seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'intensité. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné la punition et le châtiment des injustes, il mentionne ce qu'Allah a préparé comme récompense et immense rétribution pour les croyants qui ont été châtiés et brûlés et qui ont patienté sur la religion d'Allah. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرِ. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. Ceux qui croient avec leur cœur en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Ceux qui ont reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et accomplissent les bonnes œuvres avec leurs membres du corps. L'œuvre ici, comme on l'avait cité, l'œuvre pieuse, c'est celle qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala seul et qui est en conformité avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est-à-dire auprès d'Allah le paradis. Auprès d'Allah, au paradis. Ces jardins où il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Des délices que l'être humain ne peut imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Muhammad, verset 15, Allah nous décrit ici le paradis de façon détaillée. Car dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous décrit pas de façon détaillée ces ruisseaux. Mais là, il nous le dit, Allah subhanahu wa ta'ala, de façon détaillée. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Naam. Et toutes ces choses qu'on a citées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a citées ici, comme le lait, le vin, le miel, etc. Ici, la réalité de ces choses ne sont pas comme celles de la dunya. Abadan, jamais. Elles ne sont pas comme dans la dunya. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le comment. L'affaire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il a dit Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, il dit « La réalité de ce qui existe dans le paradis n'a de commun avec ce qui existe en ce monde que les noms. » Ça veut dire que le vin, ici dans cette vie d'ici-bas, il s'appelle aussi le vin dans l'au-delà. Mais est-ce qu'il sera le même vin? Non, on ne connaît pas. On ne connaît pas le comment, comme ils sont. Non. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, cela est le grand succès. Et on avait parlé de ça à plusieurs reprises. Et le plus grand des succès, c'est bien sûr la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, Inna batasha rabbika la shadid, innahu huwa yubdi huwa yu'id, wa huwa al-ghafurul wadud, dhul arshil majid, فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نعم. Et inshallah ta'ala, ces versets, on va les expliquer bi'idhnillahi ta'ala demain. Car le cours se finit pour aujourd'hui, ça risque d'être un peu trop long sinon. Inch'Allah, on va essayer de finir demain Sourate Al-Buruj et on commencera Sourate Al-Tariq. Inch'Allah ta'ala. Naam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Prochain rendez-vous Inch'Allah ta'ala ce soir. Le cours de notre frère, le directeur du Merkez, Youssouf Abou Abdelrazak, qu'Allah le préserve et lui facilite, à 22h heure française, sur les paraboles du Coran. Soyez présents. Ahsanallahu ilaykum.